Eh bien Antoine, écoute, je crois qu'il y a encore une bof nouvelle aujourd'hui, juste pour préciser, hein, celles qui n'auraient pas compris, mais les bof nouvelles, c'est une nouvelle à la fois tiède et ni rugueuse, ni douce, ni chaude, ni froide, ni joyeuse, ni triste, et en Suisse il y en a beaucoup. Vaguement décourageante, oui. Et la bof nouvelle du jour, c'est une décision de justice qui est plutôt positive, mais qui pose quand même quelques questions, c'est que l'Emmental va garder ses trous grâce à du foin. L'information nous vient de RTS Info, une fois encore. Il ne faut pas trop se fouler non plus. Oui. Donc, on apprend que le tribunal administratif fédéral admet l'utilisation de poudre de foin pour la fabrication de l'Emmental AOP. Cet additif favorise la formation des trous dans ce fromage, des trous qui ont diminué ces dernières années avec les machines à traire modernes. Donc, selon le centre de recherche de la Confédération Agroscop, les particules de foin sont un composant traditionnel de l'Emmental AOP. Leur quantité dans le lait a diminué en raison de la sévérité accrue des normes d'hygiène. La poudre de foin est donc un ajout adéquat et nécessaire pour combattre la disparition des trous dans le fromage. Comme des trous dans les dents, parce qu'on parlait, je crois, hier ou avant-hier, de dentifrice qui avait aussi cette fâcheuse tendance à modifier la flore bactérienne dans la bouche. Pour des résultats plutôt concluants concernant les caries, mais aussi un petit peu dommageables pour d'autres bactéries qui sont des gentilles bactéries. Oui. Mais ça donne à réfléchir, hein, comme ça, de lutter contre la disparition des trous de toutes sortes. C'est... Voilà. Oui. Ben, c'est parfait pour un bon dimanche comme ça, pluvieux. Allez-y, réfléchissez. Et puis vous pouvez nous envoyer vos réflexions bien réfléchies au 077 485 83 48. On vous répète nos numéros de téléphone tous les jours. Envoyez-nous des trucs, s'il vous plaît. Par pitié, c'est la dernière occasion. Après, on vous bloque.